Section 8, chapitre 8. Le lundi, le char à banc se trouva comme 6 mois auparavant dans la cour de la gare de Vannes, attendant l'arrivée du train de Nantes. Mais cette fois, Charlotte n'eut pas à subir les ennuis auxquels elle avait été exposée lorsqu'elle était venue au-devant de son père. Ils descendirent en effet tous deux de voiture, et les chevaux, ayant été confiés à un commissionnaire qui les garda en les tenant à la bride, ils allèrent attendre Georges à la porte même de sortie. « Il n'est pas à craindre que nous nous trouvions aujourd'hui face à face avec ton officier de marine, » dit monsieur de la Hérodière en souriant. « Pourquoi ? Tu ne lis donc pas le journal ?»« Quelquefois. » »« Alors tu le lis mal, et tu ne choisis pas pour tes lectures ce qu'il y a de plus intéressant. Si au lieu des faits divers ou des tribunaux, tu lisais la partie intelligente et sérieuse du journal, tu aurais vu que M. de Rosnoblet est en ce moment dans l'Indochine, où il a entrepris une exploration qui peut lui coûter la vie. » Charlotte resta impassible. « Cela ne t'émeut pas, continua M. de la Hérodière, de penser que ce pauvre garçon est peut-être mort en ce moment ?»« Mais si !» En réalité, Charlotte n'était pas à ce que son père lui disait en ce moment, mais bien à ce qu'il lui avait dit quelques secondes auparavant. Comment, après avoir, pendant 6 mois, évité de faire la plus petite allusion aux journaux, en parlait-il maintenant? Comment avait-il l'air de vouloir l'interroger à propos des tribunaux? Il était donc décidé à une explication immédiate, aussitôt après l'arrivée de Georges. Cela l'inquiétait autrement que de savoir ce que M. de Rosnoblet pouvait faire dans l'Indochine, et les dangers auxquels il se trouvait exposé. Le train allait arriver dans quelques minutes, ce n'était pas à M. de Rosnoblet qu'elle pensait. Ce n'était pas le nom de l'officier qu'elle avait sur les lèvres, ce n'était pas lui qu'elle voyait. En jugeant que M. de Rosnoblet était un esprit aventureux, je ne m'étais pas trompé, continua M. de la Hérodière. Au lieu de passer à terre le congé qu'il avait obtenu, il s'est embarqué de nouveau, il est parti pour l'Indochine. Son but est de remonter le Mékong jusqu'aux frontières de la Chine, et de redescendre par le Mename. S'il réussit, il nous fera connaître les royaumes de Cambodge et de Siam. Mais réussira-t-il, et ne laissera-t-il pas, comme ceux qui l'ont précédé, sa vie dans cette entreprise? Les dernières nouvelles qu'on a de lui le laissent seul dans une barque, remontant le Mékong. Quand tu liras les journaux, je te recommande de le suivre. Il mérite qu'on s'intéresse à lui. Ils sont trop rares, les Français, qui donnent leur vie à la science. C'est là vraiment un brave garçon. De l'enthousiasme, du courage, du désintéressement, des connaissances sérieuses, l'amour de la science. » L'arrivée du train interrompit cet éloge que Charlotte n'écoutait guère et que M. de la Hérodière faisait en appuyant sur les mots comme s'il voulait les introduire de force dans les oreilles de sa fille. Pensait-il seulement à M. de Rosnoblet en s'exprimant ainsi? Et les mots d'enthousiasme, de courage, de désintéressement, sur lesquels il insistait par l'accent, ne s'appliquait-il pas autant à l'avocat qu'à l'officier de marine? L'éloge de l'un n'était-il pas, par contraste, l'accusation de l'autre? Le train était arrêté. D'un compartiment de première, on vit descendre un voyageur vêtu d'un costume complètement noir et portant sous le bras un gros paquet de journaux dépliés. « Voici Georges, » dit M. de la Hérodière en regardant sa fille qui avait pâli. « Fais-lui donc signe, avec ton mouchoir, qu'il voit que nous sommes là, à l'attendre. » Charlotte agita son mouchoir, mais Georges n'était point pour le moment en situation de voir ce signal. Descendu sur le quai, il s'était arrêté pour réparer le désordre de sa toilette. D'une main, il faisait plisser son pantalon qui, par le frottement, s'était plissé au genou, et de l'autre, il redressait son col droit qui encadrait ses longs favoris roux. À le voir s'attarder ainsi dans des soins de coquetterie, un observateur n'eût jamais eu l'idée qu'il avait devant lui une des célébrités du jeune barreau. L'avocat ne se devinait que dans la couleur noire du costume, car cette couleur était assez insolite pour un voyage en temps de chaleur et de poussière, dans la moustache rasée, enfin dans un certain pli des lèvres que contractent seuls ceux qui font un fréquent usage de la parole. Par tout le reste, par la coupe même du costume, par la désinvolture de la tournure, par la fraîcheur des gants et le luxe du linge, on devait croire qu'on se trouvait en présence d'un désœuvré du boulevard. Après s'être livré à ses soins, il campa un lorgnon sur son nez et regarda autour de lui. Le mouchoir blanc de Charlotte appela son attention, et du bout de la main, il répondit par un petit geste saccadé à cet appel. Enfin, dit monsieur de la Hérodière, c'est heureux. Georges arrivait à la porte. Il prit son oncle dans ses bras et l'embrassa sur ses deux joues. Pour Charlotte, il lui prit la main et la lui serra longuement. « Ah, mon oncle, dit-il, c'est bien aimable à vous d'être venu au-devant de moi, et je remercie Charlotte de vous avoir amené. Mon garçon, je dois te prévenir que tu fais fausse route. C'est moi qui ai amené Charlotte. Elle m'a accompagné. » « Avec plaisir, dit Charlotte, pour corriger ce que cette réplique avait de peu encourageant. « Veux-tu monter sur le siège de derrière ?» dit M. de la Hérodière à son neveu lorsqu'ils eurent rejoint le char à banc. « C'est Charlotte qui conduit. Il est plus prudent que je sois près d'elle. » On se mit en route. « Tu sais que nous t'attendions ici samedi matin, dit M. de la Hérodière. « En effet, j'avais l'intention de venir, comme je vous l'avais promis. « Et tu n'es pas venu ?»« J'ai été empêché. » « Je ne te fais pas de reproches et ne te demande pas d'explication. Tu es assez grand garçon pour avoir ta liberté. Je te dis que nous t'attendions, voilà tout. Je dois donc vous expliquer pourquoi je ne suis pas venu. Mais pas du tout. Mon oncle, je vous demande la permission d'insister. Si tu veux plaider, plaide, mon garçon. On te tiendra en haleine pendant les vacances. Tu sais seulement qu'avec nous, tu n'as pas besoin de te livrer de temps en temps à ces éclats de voix qui sont en usage au palais pour réveiller les juges endormis. Georges n'était pas habitué à ce ton chez son oncle. Depuis son arrivée, c'était la seconde fois que celui-ci paraissait vouloir le prendre à partie. Que signifiait cet accueil? Il regarda Charlotte pour chercher une indication qui le guida, mais celle-ci tenait les yeux fixés sur ses chevaux. « Je demande de plus en plus à me défendre, dit-il, et suivant l'expression de nos voisins, je plaide non coupable. » Naturellement, un avocat peut donner à un client trop gravement compromis le conseil d'avouer, mais pour lui, il n'avoue jamais, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mon oncle. Je veux dire que celui qui se sait habile dans l'art de la parole met sa confiance dans son habileté. Enfin, mon oncle, voici mon cas. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de m'avoir entendu souvent parler d'Emmanuel Narbanton. Narbanton, il me semble avoir entendu prononcer ce nom. Mais je ne me rappelle pas dans quelles circonstances. C'est quand je suis allé finir mes classes, à Paris. Narbanton s'est trouvé mon camarade, et aux vacances, je vous ai parlé de lui, car nous nous écrivions souvent. N'était-il pas de la Bourgogne? Précisément, son père était un des plus riches propriétaires de vignobles de la Bourgogne, et vous avez dû en entendre parler. Peut-être, je ne m'en souviens que confusément. À l'école de droit, notre intimité continua, puis les circonstances de la vie nous séparèrent. Peu à peu, les habitudes et les relations ne pouvaient pas être les mêmes pour un garçon qui avait 200 000 francs de rente, car il avait hérité de son père, et un petit avocat qui, à force de travail, gagnait difficilement le nécessaire. Cependant, nous continuâmes de nous écrire de temps en temps. Je veux dire que Narbanton m'écrivit quelquefois, car à cette époque, il entreprit un voyage autour du monde et les lettres qu'il m'envoya des pays qu'il parcourut sont très intéressantes. Tu demandes aux lettres d'amitié d'être intéressantes, toi. Enfin, continue. Emmanuel revint, il y a 18 mois. Nous dînâmes alors ensemble, car il n'avait qu'un jour à passer à Paris. Puis, depuis ce temps, nous restâmes sans nous voir. Il y a 15 jours, il m'écrivit de La Rochelle qu'il faisait en ce moment une excursion sur les côtes de France dans son yacht, car il adore le canotage, la navigation et tous les exercices du corps. Je lui répondis pour lui demander s'il visiterait la Bretagne. Il me dit qu'il serait au Croisic dans les premiers jours de septembre. Alors je suis parti de Paris vendredi, comme je le devais. Seulement, au lieu de venir directement ici, je me suis arrêté au Croisic où j'ai passé 2 jours avec mon ami Narbanton, qui a été très heureux de me revoir. C'est lui qui a été heureux? Nous l'avons été, tous deux, je vous assure. Maintenant que vous connaissez la vérité, m'en voulez-vous, mon cher oncle, d'avoir fait passer pour 48 heures l'amitié avant la famille? Si j'avais osé, j'aurais donné rendez-vous à Narbanton, à la crique, mais j'ai eu peur d'être indiscret. Tu as eu tort de ne pas le faire. Je le regrette d'autant plus maintenant que Narbanton, à qui j'ai parlé de vos expériences d'acclimatation, désire très vivement voir les résultats que vous avez obtenus, car il s'intéresse aux plantes et aux arbres. « Eh bien, écris-lui de venir, il pourra mettre son yacht à l'abri à Port-Navalo. » Pendant que Georges faisait ce récit, Charlotte réfléchissait. Ainsi, c'était pour une simple visite d'amitié qu'il avait retardé son arrivée. Sans doute, il n'avait pas vu cet ami depuis 18 mois. mais il semblait que cette intimité s'était bien relâchée depuis la séparation de l'école de droit. Et puis, est-ce qu'elle n'attendait pas elle-même depuis 11 mois, ce 1er septembre, qui avait été si long à venir ? Ah, bien certainement, si Georges avait compté les jours comme elle les avait comptés elle-même, il ne serait point arrêté au Croisic. Ne pouvait-il pas venir tout de suite à la Crique le 1er septembre, comme il l'avait promis, et après quelques jours, partir de la Crique pour aller visiter son ami ? Ces pensées occupèrent son esprit tant que dura la route et la rendirent muette. On arriva. Pendant que M. de la Héraudière donnait au domestique des ordres pour les chevaux, elle emmena Georges du côté de la maison. Alors, marchant près de lui, « N'ayez aucun entretien avec mon père, » dit-elle, « avant que nous ne nous soyons entendus. Il faut que je vous parle, et longuement. » « Alors ce soir, comme l'année dernière ?»« Non, pas ce soir. Que se passe-t-il donc ?»« C'est ce que je veux vous apprendre après déjeuner. Mon père sortira sans doute, nous l'accompagnerons, et pendant qu'il travaillera à Sekjoshken Mudding, nous pourrons causer librement. » Parlez-moi de Paris ou de n'importe quoi, afin qu'il ne soupçonne pas que nous nous sommes entendus. Fin de la section 8.